Portrait d'assaut sur Fadjet. Nous allons découvrir aujourd'hui l'association Les Rêves de Lucie, qui a été créée pour soutenir Lucie, qui est atteinte du syndrome de Rett. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Magali. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Cette association, elle a été créée en 2013. Vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est né? Je vais déjà vous présenter ma fille Lucie. Lucie, bien sûr, oui. Voilà, donc Lucie est ma jolie jeune fille de 16 ans. Enfin, qui va avoir 16 ans. En fait, elle est atteinte du syndrome de Rett, donc c'est une maladie génétique orpheline qui touche le système nerveux central. Et donc, c'est à l'origine d'un polyhandicap. Ses symptômes, c'est en fait des crises d'épilepsie sévères, de l'ostéoporose précoce, des troubles osseux, des troubles respiratoires, et puis un retard de développement moteur et une absence de langage. Donc, quand j'ai appris sa maladie, en fait, j'ai aussi, par la même occasion, su qu'il y avait une méthode qui existait, qui s'appelle de la méthode Essentis, qui est enseignée en Espagne par des thérapeutes français. Et cette méthode lui permet de progresser, en tout cas évite à la maladie de progresser elle-même. Et en fait, donc, c'est une méthode basée sur de la kiné, de l'ostéopathie, de l'acupuncture et des méthodes nouvelles comme de l'écoute Matisse, la communication par le regard, etc. Et en fait, donc, j'ai créé l'association à la base pour justement financer les soins qui sont coûteux, donc ces soins qui se passent en Espagne. Dont vous voyez les résultats, mais qui aujourd'hui n'existent qu'en Espagne, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. La méthode n'existe qu'en Espagne. Et puis, j'ai créé aussi l'association donc en 2013 pour faire connaître la maladie aussi et puis pour permettre de financer des soins aussi en France ou par exemple du matériel adapté qui n'est pas forcément bien remboursé. Qui est remboursé, mais en tout cas, il y a une partie restant à charge. Mmh. Et aussi pour permettre à Lucie d'accéder à des loisirs sportifs, culturels, pour qu'elle ait aussi une vie sociale, comme une petite fille de son âge, enfin une jeune fille maintenant de son âge. Effectivement, et donc c'est aussi pour faire connaître ces maladies rares, il y en existe de nombreuses, le syndrome de Rett en fait partie. De nombreux enfants sont touchés par ce syndrome en France? Alors en France, ça touche environ 50 enfants par an. On est à peu près 15 000 enfants touchés, essentiellement des filles, puisque ça touche un gène qui est situé sur le chromosome X. Mmh. Et donc, c'est essentiellement des filles qui en sont atteintes. Mais c'est la première maladie qui est à l'origine du polyhandicap chez les filles en France. Donc, c'est rare, mais il y a quand même une association nationale qui permet quand même de donner de l'argent pour la recherche, pour aider les familles. Et par exemple, il y a demain, je vais à un week-end organisé par la FSR pour justement avoir des nouvelles sur les recherches scientifiques concernant les thérapies novatrices. Mmh. Donc, depuis 2013 que vous avez créé cette association, vous arrivez à faire un peu changer le regard sur ces maladies rares aussi? Je trouve qu'il y a un regard extrêmement bienveillant des personnes qui viennent. Et puis, alors certes, la maladie est compliquée à gérer au quotidien, mais il y a vraiment de la bienveillance, de la solidarité des gens. Et dans le contexte actuel, ça fait énormément de bien aussi de voir que la nature humaine est bonne aussi. Et donc, c'est vraiment très agréable. Et le regard des gens, oui, je pense qu'il change. Parce que c'est vrai, quand on se balade dans la rue, c'est un regard attentif. Alors, forcément, ça surprend, mais il n'y a pas de regard malsain ou voilà, on sent que oui. C'est plutôt bienveillant. Vous organisez au sein de l'association différents rendez-vous justement pour financer les soins, mais aussi pour faire changer le regard. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel type d'action vous avez mené jusqu'à maintenant? Alors, Lucie a participé déjà à des triathlons, à un triathlon. Donc, elle était dans un canoë, ensuite elle a fait du vélo et ensuite elle a couru dans une joëlette. Elle a participé aussi à des concerts. Les sapeurs-pompiers de Paris sont venus faire un gala aussi pour elle. Mélie Mélodie a chanté, Future Légende a chanté pour elle aussi. Le mentaliste Mathieu Chéneau est venu faire un spectacle aussi. Il y a aussi des personnes comme la CGV qui viennent pour l'aider, pour notamment nous prêter la joëlette pour qu'elle puisse faire des balades. On peut expliquer c'est quoi une joëlette? Alors, une joëlette, c'est comme une brouette dans laquelle Lucie est assise et en fait, on la porte à trois. et on la transporte à Troyes, ce qui lui permet de faire des trails, des randonnées. Voilà, donc il y a vraiment tout un... Alors, je suis désolée pour les gens que je n'ai pas cités, mais il y en a beaucoup. Donc, je les remercie aussi, même si voilà, je pense très fort à eux. Mmh. Et donc, voilà, Lucie a vraiment vécu des belles choses et va en vivre encore. Et va en vivre encore plein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est touchant de voir aussi toute cette solidarité, comme vous l'évoquez, autour de cette question. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, les gens sont vraiment touchants. Tous ceux qui l'entourent, que ce soit les communautés, les maires, les clubs, les associations. Et Lucie, elle est très, très réceptive à ça. Et elle nous renvoie un sourire qui, voilà, qui parle de lui-même. Et il n'y a pas besoin de mots pour montrer qu'elle est vraiment hyper contente, hyper réceptive pour tout cet entourage d'amour qui est autour d'elle, en fait. Et donc, pour toujours la soutenir, vous organisez régulièrement des actions, vous l'avez évoqué. Il y en a une, c'est Ensemble sur le chemin de Lucie. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, c'est un challenge qui a été lancé au mois de mai. Et le but, c'est que chacun d'entre vous, d'entre nous, peut participer à ce challenge à partir du moment où des kilomètres sont réalisés. Alors, ça peut être des kilomètres sur un ergothérapeute, ça peut être des kilomètres en natation, avec des palmes, avec ses pieds, avec le vélo, avec une trottinette, peu importe. Et le principe, c'est de relier l'Axou, là où habite Lucie, à Essentis, donc en Espagne. Donc, de parcourir 862 kilomètres. Et l'objectif, c'est de récolter au moins 1 euro par kilomètre. Mmh. Donc, d'atteindre 862 euros. Pour aider Lucie à accéder à ses soins. Voilà, donc on a jusqu'au mois d'avril. Et pour ce faire, soit vous pouvez aller sur la page Facebook de l'association donc Les Rêves de Lucie ou Lucie Boiron, soit sur le site internet lesrêvesdelucie.fr. Pour soutenir Lucie et aussi faire évoluer aussi la recherche en France, parce que voilà, aujourd'hui c'est l'Espagne. Vous aimeriez, bien sûr, j'imagine, que la France évolue aussi sur ces questions. Oui, tout à fait. Alors il y a la France et puis l'étranger aussi, puisqu'il y a des traitements qui sont en cours chez des petites firettes. J'en saurai plus ce week-end, mais effectivement, la recherche avance parce que notre association finance aussi un peu, participe à la recherche médicale et il y a de l'espoir. Voilà, les souris ont réussi à franchir une rivière alors qu'ils n'y arrivaient pas. Donc pourquoi pas que Lucie puisse franchir elle aussi sa propre rivière ainsi que les autres enfants. Voilà, donc on y croit et j'espère. Donc aujourd'hui, pour vous soutenir, eh bien, on peut déjà marcher, courir, faire du vélo, nager, vous l'avez dit, et 1 euro, ça compte. Si vous voulez aussi aider Lucie, il va y avoir un concert d'organiser. Donc un concert qui aura lieu le 18 janvier à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Et donc ce sera un dimanche après-midi et c'est Future Légende qui va donner un spectacle. Donc Future Légende, c'est une troupe musicale qui est très dynamique, qui chante des chansons françaises, mais qui les chorégraphie aussi. Oui. Donc c'est aussi un partenaire depuis le début, Future Légende, et donc il donne ce concert au profit des Rêves de Lucie. Donc si vous n'avez pas envie de marcher, vous pouvez aussi venir écouter, venir manger des gâteaux, il n'y a pas de souci, vous pourrez soutenir aussi Lucie dans votre démarche. Une autre actualité en ce mois d'octobre? Oui, tout à fait. Donc c'est en fait l'Octobre Rett, donc c'est un mois de sensibilisation internationale au syndrome de Rett. Ce qui est organisé, ce sont des manifestations un peu partout en France, et le principe, c'est de s'inscrire pour 10 euros pour faire une marche de 2, 6, 8 kilomètres, peu importe, avec des amis où vous voulez. Et l'objectif, c'est d'atteindre 20 000 euros pour pouvoir effectivement participer à la recherche et faire des dons pour que la recherche avance. Donc actuellement, il y a 438 participants. Et puis, il y a environ 3 000 euros qui sont récoltés. Ben voilà, on compte sur vous aussi pour aider nos enfants à aller sur le chemin de la guérison. Et là, pour s'inscrire et participer de cette manière-là, comment fait-on ? Alors, il faut aller sur le site de l'AFSR, donc Association Française du Syndrome de Rett, et tout y est expliqué. Vous verrez, c'est très bien fait. Ou sur le Facebook aussi de l'AFSR, où voilà, il y a des liens, donc il suffit de cliquer dessus et de prendre ses baskets, et voilà. Voilà, tout simplement. On sort quand on veut, quand il y a un peu de soleil ou pas, c'est comme on veut. Avant de conclure, souhaitez-vous ajouter un petit mot de remerciement ? Alors oui, j'aimerais remercier en particulier les bénévoles de l'association, donc ils sont une trentaine, et sans qui, bah, effectivement, l'association ne pourrait pas vivre. Donc ils sont là depuis le début et ils tiennent jusqu'au bout. Donc encore un grand merci. Un merci aussi à mes parents qui sont très présents, à ma famille et puis à tous les partenaires, que ce soit les associations, les clubs sportifs, les clubs de service, les coachs sportifs, les chanteurs. Enfin voilà, j'espère ne pas oublier personne, ainsi que les médias. Merci Fadjet d'ailleurs. Et puis j'ai une pensée particulière pour mon fils Clément, dont je suis très fière, et voilà, qui est très courageux et qui est vraiment adorable avec sa petite sœur. Donc voilà, donc merci à tout le monde, et puis merci encore Fadjet. www.les-rêves-de-lucie.fr, c'est pour retrouver le site internet et en savoir encore plus. Bien sûr, les réseaux sociaux, vous avez évoqué la page Facebook. Des projets autres que le concert en 2026 ? En 2026, on retourne en Espagne, en avril. Bien sûr. Peut-être qu'elle participera comme chaque année aux Foulées Gondrevilloises. Et puis, il y a souvent des concerts aussi qui sont organisés par le groupe musical de ses grands-parents. Et à cette occasion, il y a aussi une récolte de dons. Donc, pour l'instant, voilà, c'est des petites choses qui se mettent en place. On attend des nouvelles pour la prochaine année. Merci beaucoup, Magali. Je vous laisse peut-être un dernier mot. Merci, Fadjet, de m'accueillir ici dans vos locaux. Et puis, merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Et merci aux futurs donateurs qui voudront venir aider Lucie, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Merci encore à tous, en tout cas. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.